Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment atteindre l'indépendance financière grâce à l'immobilier. Commencer cette vidéo, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Damien, j'ai créé la chaîne Esprit Gagnant pour aider le maximum d'investisseurs à devenir rentables et à passer à la vitesse supérieure. J'ai mis en place une formation sur l'investissement locatif de A à Z. Tu peux la télécharger gratuitement. Le lien se trouve au-dessus ou en dessous de la vidéo. Tu cliques et tu me mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Donc, obtenir son indépendance financière grâce à l'immobilier, c'est pratiquement la première chose que je reçois dans les nombreux messages que vous m'envoyez. C'est voilà, j'en ai marre de mon travail et je veux obtenir mon indépendance financière. Donc, ok. Action numéro 1, il va falloir que tu te poses la question de c'est combien et à quel horizon. Donc, combien il te faut pour atteindre cette indépendance financière et tu te le donnes à quel horizon. C'est ça qui va te permettre de définir la stratégie que tu peux mettre en place pour atteindre cette indépendance financière. Donc, c'est une question qui est vraiment très personnelle, qui va dépendre de l'endroit où tu vis. Ce ne sera pas la même chose si tu vis à Paris que si tu vis à Bali. Donc ça va vraiment dépendre de ça. Ça va pas être la même chose si tu penses avoir des enfants dans les années qui arrivent ou si tu penses rester célibataire, rester un globe-trotteur. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas la même chance que tu vas avoir derrière, bien évidemment. Donc c'est tout ça qu'il faut que tu poses en tout cas comme question. J'ai pas la réponse pour toi, mais pose-toi ces questions et pose-les de manière, faut les poser de manière honnête. C'est-à-dire, tu veux une indépendance financière et mais t'es prêt, par exemple, à baisser ton niveau de vie. Pour par contre ne pas avoir un patron, pour ne pas avoir à travailler pour un patron, par exemple, qui, je dis beaucoup de messages où c'est des gens qui ne sont pas bien dans leur travail, dans ces cas-là, effectivement, il va peut-être falloir trouver une solution et baisser son niveau de vie pour que ça aille le plus rapidement possible. Maintenant, si tu es bien dans ton travail et que c'est juste pour toi entre guillemets, une solution de secours pour se dire, voilà, quand je veux, quand je voudrais, ben, je pourrais arrêter mon travail parce que je serai libre indépendamment grâce à l'immobilier. Ce n'est pas tout à fait la même stratégie que tu vas mettre en place. L'action numéro 2, qui est le plus important, on va dire, c'est quand tu vas te lancer, c'est de ne jamais, jamais, jamais acheter un déficit. C'est-à-dire que si tu achètes un bien qui te coûte de l'argent tous les mois, tous les mois, tous les mois, tu n'atteindras jamais, bien évidemment, ton indépendance financière, car tu auras besoin d'un autre revenu pour payer ces biens-là. Oui, je parle un petit peu du PNL. PNL, c'est exactement le business plan qui te propose, c'est la première question qu'on va te poser, c'est quelle est ta capacité d'épargne. Et en fait, ils se servent de cette capacité d'épargne pour te proposer le projet le plus gros, parce qu'ils auront du coup la plus grosse commission. Donc c'est le contraire de vouloir aller vers l'indépendance financière. Donc maintenant, si tu es très bien dans ton boulot, si tu as des gros revenus, que tu es très bien dans ton boulot et que tu ne veux jamais quitter ce travail-là, pourquoi pas aller dans ces cas-là vers du PNL, mais là on sort de la vidéo, de l'objet de la vidéo qui est aller vers l'indépendance financière grâce à l'immobilier. Dans ces cas-là, il ne faut jamais acheter de déficit foncier, il ne faut jamais acheter un déficit, il faut jamais avoir à mettre de l'argent tous les mois, tous les mois, tous les mois dans ton investissement parce que du coup tu aurais besoin d'une autre source de revenus qui pourrait être ton travail actuel. L'action numéro 3 que l'on va voir dans cette vidéo, c'est de respecter le fameux ratio loyer-crédit. C'est-à-dire qu'il faut que ton loyer soit largement, mais largement, largement supérieur à ton crédit selon la ville où tu vas être, selon l'investissement patrimonial ou pas. Mais on va dire que si tu vas chercher de la rentabilité, il faut que ton loyer soit environ deux fois le montant de ton crédit. Pour commencer à se dire que tu vas dégager un cash flow qui commence à être intéressant. Tu prends ton loyer, il faut que ton loyer soit deux fois au-dessus de ton crédit. Ça, c'est si tu veux devenir indépendant financièrement avec l'immobilier rapidement, il faut respecter ces ratios-là. Parce que je te vois bien me mettre en commentaire en me disant Damien, c'est presque impossible, ça fait un an que je recherche. Mais on peut y aller petit à petit, mais il va falloir reprendre l'action 1 et redéfinir le montant que tu souhaites, à quel horizon. Et par rapport à ça, tu vas baisser peut-être tes exigences. Mais si tu veux atteindre ton indépendance financière complètement grâce à l'immobilier, il va falloir vraiment qu'au minimum ton loyer soit deux fois le montant de ton crédit pour pouvoir réellement avoir un excédent de trésorerie qui soit intéressant. Voilà, résumons les trois actions principales selon moi pour travailler ton indépendance financière grâce à l'immobilier. Donc l'action numéro une, c'est définir quel est le montant pour toi qui va te permettre d'être indépendant financièrement et à quel horizon tu veux atteindre cette indépendance financière. L'action numéro 2, ça va être de ne jamais acheter de déficit. Donc de ne jamais devoir mettre de l'argent tous les mois, tous les mois, tous les mois. Parce que du coup, tu auras besoin d'un autre revenu. Action numéro 3, c'est de respecter le ratio loyer-crédit et que ton loyer soit au moins le double de ton crédit. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la partager à des amis investisseurs. Moi, mon objectif, c'est que la chaîne Esprit Gagnant aide le maximum d'investisseurs à devenir rentables, à passer à l'action, à lever les croyances limitantes que les investisseurs débutants peuvent avoir. Donc, n'hésite pas à me mettre un gros like si tu as aimé cette vidéo, à me mettre un commentaire si tu es OK, si tu vois d'autres étapes importantes pour toi pour aller vers l'indépendance financière. Et n'hésite pas à me mettre en commentaire quel est pour toi le montant que tu te fixes pour être indépendant financier grâce à l'immobilier. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, donc t'appuies sur le petit bouton s'abonner en bas de la vidéo, juste dans le coin, et il y aura une petite cloche, tu appuies dessus pour avoir les notifications, ça va te permettre d'être averti dès que je publie une vidéo, j'en publie environ 2-3 par semaine, et ça serait dommage de les manquer. En tout cas, d'ici du coup la prochaine vidéo, je te dis à très bientôt, porte-toi bien, ciao ciao!